Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Canadien national, le CN, bien plus qu'un simple chemin de fer. Les chemins de fer ont commencé à construire des hôtels dès que les réseaux transcontinentaux ont été construits. Les chemins de fer répondaient à un besoin de développement, si vous voulez. Ils ont toujours eu, à ce moment-là surtout, la conception de pionniers. Un chemin de fer, à l'époque, c'était une grande entreprise qui voyait grand, qui assurait des services et qui s'efforçait vraiment d'être progressif. Bien plus qu'une simple compagnie de chemin de fer, le CN devient très vite dans son histoire un important agent de développement économique et social au pays, comme en témoigne cet extrait d'entrevue avec Frédéric Faneuf, un représentant du CN, à l'émission Présent en 1968. En fait, le CN devient rapidement l'un des symboles forts de l'unité nationale canadienne. L'histoire du CN, elle est étroitement imbriquée à celle du Canada. Le CN dessert 10 provinces et 10 États, et son slogan « Partout au Canada » est bien plus qu'une figure de style. Il exploite des camions, des autobus et des tramways, des bateaux, des traversiers et des parcs à bestiaux, détient toutes les actions de Trans-Canada Airlines et assure l'entretien de 5000 gares, de 7000 ponts, de 121 000 wagons de marchandises et de 3600 voitures voyageurs. Le Livre bleu, un document de 86 pages, contient 1400 horaires. Le CN transporte annuellement 80 millions de tonnes de marchandises, 24 millions de colis et 18 millions de voyageurs. Son service de télégraphe transmet 14 millions de messages et ses hôtels accueillent 750 000 clients par an. Extrait de l'émission « De rail et de dormant » diffusée au mois d'août 1994. Pour nous raconter l'histoire du CN, le Canadien national, j'accueille l'historien John Willis, qui est conservateur en histoire économique au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. John Willis, bonjour. Bonjour, Jacques. Commençons par ce qu'on vient d'entendre, parce que ce qu'on vient d'entendre, au fond, c'est un peu une description de ce qu'a été l'âge d'or du CN. Ça correspond à quoi, ça arrive quand dans l'histoire du CN, cet âge d'or-là, John Willis? Moi, je dirais que le sommet, là, de l'accumulation de tous ces succès, c'est dans l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, puisque la compagnie a connu beaucoup de succès avant la guerre, mais il n'y a pas eu de dépression comme au cours des années 30. Alors, c'est à ce moment-là que tous ces avoirs et l'économie qui est en boom économique, tout fleurissent en même temps. Et c'est, à ce moment-là, c'est vraiment c'est un géant, là. C'est une des grandes, grandes compagnies canadiennes. Quand on regarde l'histoire du CN, évidemment, s'intéresser au CN, c'est s'intéresser à l'histoire du chemin de fer au Canada. Donc, forcément, John Willis, cette histoire-là, l'histoire du CN, elle est très proche, je le disais d'entrée de jeu, mais elle est très intimement liée à l'histoire du pays lui-même. Tout à fait. On ne peut pas imaginer le Canada comme entité politique sans la construction d'un certain nombre d'infrastructures de transport. Et jusqu'aux années 1970, le chemin de fer, c'est la fondation, si vous voulez, de tous les liens économiques qui se font au pays. C'est encore très important, mais évidemment, le camionnage a pris beaucoup d'importance. Et dans la conception même des artisans de la Confédération, dès les années 1860, le chemin de fer a un rôle important. Ouais. D'où cette espèce de mariage de raison entre le gouvernement du Canada et le Canadien Pacifique, le premier grand transcontinental qui a sa voie ferrée complétée de Montréal à Vancouver en 1886. Alors, c'est là. Et c'est même là avant. Ouais. Car les chemins de fer, aux yeux de tout le monde au 19e siècle, c'est un élément et un moteur et un symbole de progrès. Ouais. Il y a des provinces, on le sait, mais on le rappelle, en fait, il y a même des provinces qui vont négocier leur entrée dans la Fédération canadienne avec cette promesse d'obtenir un bout de rail, un bout de chemin de fer. Tout à fait. Ça s'applique et à l'Île-du-Prince-Édouard, où éventuellement le gouvernement devient propriétaire du chemin de fer parce que c'est pas rentable, et la Colombie-Britannique qui négocie son entrée dans la Confédération également dans les années 1870 avec la promesse d'une ligne transcontinentale. Mais la CN dans tout ça, c'est spécial. Car si on on avance un peu dans le temps, à l'époque de Laurier, les années 1890-1900, on voit le futur du Canada avec des yeux les plus optimistes. Mm-hmm. Et on se dit, le Canada, le 20e siècle sera son siècle. C'est ce que disait toujours le gouvernement Laurier, gouvernement libéral à cette époque-là. Il succède à une trentaine d'années de gouvernement conservateur. Il veut laisser son empreinte sur l'économie du pays et sur, si vous voulez, la culture du pays. On décide de construire deux chemins de fer transcontinentaux. Oui. Deux de plus. Oui. En plus du CP, dont le Grand Tronc Pacifique et le Canadian Northern Railway. Ouais. Et ces deux chemins de fer, ça nous amène au début du CN, avant le CN, avant que le CN soit nationalisé. Le CN existe déjà. Là. Ça commence quand? C'est quoi cette affaire-là? Le CN tire son origine de par le besoin de la part du gouvernement de prendre le contrôle, de nationaliser ces deux compagnies-là. Ce sont deux compagnies qui ont complété leur construction juste avant ou pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Et on constate qu'il n'y a pas assez de trafic pour donner du business à trois compagnies ferroviaires transcontinentales, soit la CP, la Canadian Northern et le Grand Tronc Pacifique. Et le gouvernement, comme le fait souvent le gouvernement, doit ramasser les pots cassés. Oui. Rappelons que l'idée ne tombe pas du ciel. Et en Angleterre et aux États-Unis, durant la Première Guerre mondiale, on nationalise les chemins de fer pour circonstances, raisons d'urgence. Oui. Donc, on ramasse les pots cassés et on procède à la nationalisation l'intégration de tous ces avoirs ferroviaires étape par étape. Et ça va, parce qu'effectivement, il y aura comme des compagnies qui fusionnent. Déjà, le CN, avant d'être nationalisé, c'est, je pense, trois compagnies qui se sont regroupées. Il y aura oui. la nationalisation dans les années 10. Et vous le dites bien, puis on écoute l'historien et homme de théâtre Jean-Claude Germain renchérir sur cette idée-là. En fait, il y a deux grands motifs. Il y a le motif politique, puis ça, on y revient dans un instant, John Willis, la vision de Laurier, mais d'autres ensuite, du développement du Canada et du rôle du chemin de fer dans le développement de ce pays. Mais il y a aussi cette urgence économique. Puis écoutez cet extrait de Jean-Claude Germain à l'émission L'Aventure en 1989. Au fond, plus ça change, plus c'est pareil. Pourquoi, à un moment donné, les gouvernements décident qu'ils investissent pas mal d'argent pour sauver des compagnies qui sont en difficulté économique? En 1917-1923, le Grand Trunk Pacific, the Intercolonial, the Canadian Northern and the National Transcontinental. Alors, toutes ces compagnies-là se retrouvent donc au sortir de la guerre, ou pendant la guerre de Première Guerre mondiale, avec des crédits dans les banques anglaises, des dettes qui obligent le gouvernement à les nationaliser. Bon, le premier président, M. Sir Henry Thornton, se retrouve avec une dette de 1,3 milliard à ce moment-là. Il y a 99 000 employés du CN. Donc, on voit tout de suite le chantage habituel. Si on fait faillite, il y a 99 000 emploi qu'on vient de perdre. Je veux dire, ça n'a pas changé. On est toujours dans la même dynamique et le gouvernement doit sauver la mise. Thornton est assez intelligent, d'ailleurs, et réussit différents bons coups. Entre autres, curieusement, en 1900, entre 23 et 32, il va être responsable de l'utilisation des facilités du CN pour développer un réseau de stations de radio qui vont débuter, d'ailleurs, entre autres, les programmes comme Hockey Night in Canada et qui vont amener éventuellement à la formation de CBC, de Canadian Broadcasting Corporation, qu'on connaît également sous le nom de Radio-Canada. Alors, c'est intéressant cet extrait, John Willis, parce que bien sûr, il y a l'urgence économique. Ces compagnies de chemin de fer sont dans le pétrin, économiquement, très, très endettées. Puis, la fin de l'extrait nous amène sur un autre motif. Puis, vous l'avez évoqué, c'est un vieux rêve. Déjà, Laurier caressait ce rêve-là, mais il y a des motifs politiques aussi dans la création du CN qui vont faire de cette compagnie-là une compagnie vraiment de service public. Tout à fait. Premièrement, pour le gouvernement, c'est une décision stratégique. Et la stratégie est présente dès la commission d'enquête en 1917, où on commence à développer l'idée de créer le CN, et se concrétise en 1919 avec la formation formelle de la CN, l'acquisition d'autres avoirs en 1919 et l'intégration de tout le Grand Tronc à même une seule et même Canadian National Railways. Ouais. La stratégie, c'est qu'il ne faut pas être en mariage avec une seule grande compagnie ferroviaire, soit la CP. Il faut avoir un autre joueur sur au pays. Et si le privé ne peut pas le faire, nous, le gouvernement, on va le faire. Alors, c'est une façon qu'on appelle, chez les vieilles histoires économiques du Canada, « defensive expansionism ». Oui. C'est reconnu comme étant une stratégie souvent utilisée par le gouvernement, dont le gouvernement central, le gouvernement fédéral, de manière à apporter de l'équilibre dans le développement régional du pays. Notété de l'initiative du gouvernement de reprendre et de développer la CN, tout le nord des provinces des Prairies n'aura pas été développé. Ouais. Et pas juste ça, mais parce qu'ils sont plus au nord pour se définir concurrencer la CP, ils sont plus près du bouclier canadien, là où se trouvent de nombreuses ressources minéralogiques. Oui. Et donc, lorsqu'on arrive au Deuxième Guerre mondiale, la CN est un outil formidable pour transporter des gens, mais transporter du blé. Oui. Dans les années 20, là, ce sont des grandes années de la CN et l'énorme volume de production de blé dans les trois provinces de l'Ouest en est pour quelque chose. Oui. Puis au-delà du transport de marchandises, de soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a, je reviens à cette notion de service public, à l'extrait qu'on entendait aussi de Jean-Claude Germain, il parlait de les débuts au fond de ce que deviendra Radio-Canada. Moi, j'ai travaillé à l'époque à la station d'Ottawa, au Château Laurier, puis l'origine de ça, qui est un hôtel du CN, c'était les installations techniques. Là. La station de radio profitait après coup de ces installations techniques du CN. Il y a des choses que va faire le CN que ne fait pas le CP, le courrier, mais parlez-moi de ça. Qu'est-ce que c'est l'activité du CN quand on parle des wagons écoles, quand on parle du service public? C'est qu'on considère le service ferroviaire comme étant autre chose que strictement une façon de faire de l'argent. Le bottom line pour CP, c'est de faire de l'argent. Le bottom line pour CN, c'est de développer tout un ensemble de services publics, incluant faire de l'argent. Oui. Pour le transport et du fret et des passagers. Et elle comprend très bien son rôle de service public durant la Deuxième Guerre mondiale, car le gouvernement lui dit, CN, j'ai besoin que tu m'organises le transport de troupes depuis Montréal, Toronto et Halifax, mm-hmm. leur lieu mm-hmm. de départ. Mais en dedans de un mois, ils réussissent à déplacer, au mois de décembre 1939, une division complète de l'armée canadienne en direction d'Halifax, prêt pour embarquement sur les bateaux pour aller de l'autre côté. Monsieur le CN, on a besoin de transporter du bauxite depuis Portland, dans le Maine, jusqu'à vers l'Arvida, où on fabrique l'aluminium pour l'aviation oui. militaire. Mais vous allez le faire, vous allez vous organiser pour le faire. CN agit en engageant pour certaines de ses usines des femmes, durant la Deuxième Guerre mondiale. La CN comprend très bien son rôle et il est, évidemment, c'est un combat de coq toujours avec la CP. Oui. Les uns veulent se montrer plus grands que les autres. Lorsque CP a grandi... C'est deux empires, voilà. John Wallace. Quand la CP a grandi son hôtel à Banff, mais monsieur de la CN en fait autant à Jasper, juste pour montrer que je suis aussi grand que vous. Et le type de CP se plaint de la CN en disant, mais ce monsieur-là qui préside la CN, c'est un showman. Oui. Et de M. Thornton pour répondre, mais je vais vous montrer pas juste un petit cirque, un cirque à Three Ring Circus. Je vais vous montrer un gros cirque, vous allez voir. Moi, je suis capable de faire mieux que vous autres. Oui. Alors, il y a du combat de coq oui. dans leur relation aussi. Et puis, évidemment, je reviens au premier extrait qu'on entendait au tout début de l'émission, Frédéric Faneuf, ce représentant du CN, qui disait, dès le départ, c'est le service public, mais c'est aussi le développement économique du pays. Ça va ressembler à quoi? Il y a des régions qui vont profiter, mais de manière considérable, de ce que c'est le CN dans ces belles années. Tout à fait. Quand tu regardes la conjugaison de construction ferroviaire qui se déferle dans le nord des prairies, soit Saskatoon, Edmonton, depuis Winnipeg, mais parce que le chemin de fer va passer plus au nord, ça crée tout d'autres territoires qui sont développés économiquement. Mais également, elle développe tout simplement de la compétition pour l'autre grand joueur. Et ça, dans une économie où il y a un seul joueur, dans un secteur de transport, tout le monde qui prend l'avion de nos jours comprend ça. Ouais. S'il y a juste un seul joueur, les prix augmentent par magie. Alors que dans ce cas-là, ça a peut-être exercé une pression pour garder les prix de fret, prix de passagers, un petit peu plus bas. Avec des centres d'activité importants, là, je pense au Québec, on peut penser à Pointe-Saint-Charles, Rivière-du-Loup. Oui, il y a deux cas intéressants. Pointe-Saint-Charles, un grand cas où il y avait jusqu'à 2 000-2 500 ouvriers travaillant pour la CN à la fin des années 20. On reconstruit entièrement les usines de la CN à la Pointe-Saint-Charles. En 1938, le gouvernement décide, mais vous avez une dette de 1 milliard, monsieur le CN, mais on va on va s'occuper de ça. On va vous enlever ce charge sur les épaules, ce qui permet à CN d'agir plus facilement pour construire des locomotives en temps de guerre. Si on prend des plus petits endroits comme Rivière-du-Loup, c'est un endroit où il y a moins que 9 000 personnes, 931 de population. Mm-hmm. Mais pourtant, il y a à peu près 600-700 personnes qui travaillent dans un seul secteur, le secteur ferroviaire, soit le long de la ligne, autour de la gare, ou soit dans les ateliers, les shops. Ouais. Les shops pour les locomotives ou les shops pour les voitures. Donc, développement économique régional. Ça. Oui, et si on était à Moncton, on en dirait autant, une ville de 20 000 personnes à peu près en même temps, n'eût été des shops qui sont là, la ville n'aura jamais ce serait jamais venu une agglomération importante. La tour du CN est maintenant un élément essentiel du profil que Toronto découpe dans le ciel. Elle est déjà dans le livre des records à titre de la plus haute structure autoportante du monde, la deuxième se trouvant à Moscou. Aux deux tiers de ses 1815 pieds, la tour du CN aura un restaurant qui n'est pas encore ouvert au public. Mais c'est aujourd'hui qu'elle a commencé à jouer son rôle premier, qui est celui des communications. Ce matin, en effet, une seconde après minuit, 5 postes de radio en modulation de fréquence, dont la CBC, ont commencé à diffuser de cette hauteur. Côté télévision, 5 postes ont commencé à transmettre leurs images depuis cette tour aujourd'hui. Au moment de sa conception, il y a 3 ans, la tour du CN devait coûter un peu plus de 20 millions. Maintenant, son coût a dépassé les 60 millions. La multiplication par 3 ne s'applique donc pas seulement aux Olympiques. Extrait d'un reportage de Guy Lamarche, diffusé à l'émission Ce soir en mai 76, d'où l'allusion au coût du stade olympique. C'est en 76, donc, qu'est érigée cette fameuse tour du CN à Toronto. Qu'est-ce que ça représente dans l'histoire de la compagnie John Wallace? Je pense que c'est comme un sommet de le prestige de cette compagnie-là, mais elle symbolise d'autres choses aussi. Elle a choisi d'ériger sa tour avec tous les équipements de communication qui ont été relatés tantôt. Elle a choisi de s'établir à Toronto, la ville de Rennes, car Toronto, dès les années 1970, est reconnu comme étant le centre financier, le locomotive économique du Canada. C'est pas Montréal. Quoique Montréal demeure le siège social de la CN, le siège social de la CN depuis les années 20. Hein? Ça a tout le temps été le siège social. Mais il y a quelque chose, si on cherche à se présenter, à s'exprimer sur un paysage urbain, on choisit Toronto, ville du futur. Oui, parce qu'il y a ce déplacement de l'axe économique vers l'ouest. 1978, 2 ans après l'érection de la tour du CN, c'est aussi une date importante. C'est le début de l'aventure Via Rail. Qu'est-ce que ça représente, ça, pour le CN? Pour la CN comme pour la CP, ce que ceci représente, c'est ça montre que le gouvernement est prêt à prendre à sa charge le transport des passagers au pays pour une section du pays, c'est-à-dire de le fameux corridor Québec-Windsor. Et en ce qui a trait au restant du pays, que l'on soit au maritime ou dans l'ouest, mais le transport des passagers est beaucoup moins important. Les deux grands joueurs, CP et CN, qui va devenir privé, n'ont pas besoin de faire ce genre de service-là, d'offrir ce service-là, qui n'est pas très rentable. Ouais. C'est dans le fret qu'on fait de l'argent. Donc, le gouvernement libère, au fond, les deux compagnies, les débarrasse de ce fardeau financier pour le CP et le CN du transport de passagers. Et donc, il y a, si on compare à la perspective gouvernementale des années 1917-1920, le gouvernement voyait grand. La voie ferrée est un instrument de développement. Et lorsqu'on regarde l'attitude du gouvernement à la fin des années 1990, la voie ferrée n'est plus, ne représente pas aux yeux du gouvernement un lieu d'investissement, un pôle de développement comme il a déjà été. Oui. C'est comme un renoncement. À ce que c'est que le devoir gouvernemental. C'est complètement l'inverse de ce qui se passe en Europe. Ce qui fait que le CN va effectivement être privatisé en 1995. Puis ça, c'est un contexte, là, vous le dites, c'est le gouvernement qui se détache de plein d'autres choses. Pétro-Canada, Air Canada, toutes ces sociétés de la couronne y passent là, à peu près à la même époque. Oui, et ceci est une grande différence avec ce qui a été l'attitude du gouvernement depuis le début de la Confédération. Le gouvernement se voyait toujours comme étant un agent de développement des choses. Et on constate avec les années 80 et 90, avec le cheminement d'une pensée économiste pas mal réactionnaire, on constate que on ne veut plus, on n'a plus le guts d'aller dans ces domaines-là. On ne veut pas investir dans ce domaine-là sous la conviction que plus que le gouvernement investit dans un secteur, plus qu'il éponge les finances d'une économie de manière non productive. Ouais. Puis en plus, pour revenir à la création de Via Rail en 78, comme ça reste l'affaire de l'État, le transport des passagers, ben ça facilite la privatisation sur le plan éthique, moral, sur le plan politique. En tout cas, ça facilite la privatisation du reste, le fret, le transport de marchandises. Aujourd'hui, on termine là-dessus, John Wallace, ça a été vraiment un symbole très fort de l'unité nationale. Le CN à l'époque. Qu'est-ce qui reste de ça, de ce symbole-là? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, le CN, pour les Canadiens? Je ne suis pas tout à fait convaincu. Il y a évidemment des traces dans le paysage urbain, les hôtels, que l'on soit le Fort Garry Hotel à Winnipeg, qu'on soit le Hôtel McDonald à Edmonton, le Château Laurier à Ottawa. Ce sont des endroits qu'on associe un peu à un quelconque souvenir de la CN. Mais il reste de moins en moins. En ce sens que vous prenez toute la Pointe-Saint-Charles, qui était où il y avait des grandes usines ferroviaires, mais là, il n'y a à peu près plus rien là. Ça représente de moins en moins. Le job de l'histoire, c'est justement de rappeler aux gens que ces choses ont déjà existé, ont été très importantes, et les comparaisons à faire avec le présent ne sont pas d'une importance minime. Il faut penser au transport de nos jours. La règle du transport de nos jours qui doit être que faut jamais avoir des monopoles. Ouais. Les monopoles, ça coûte cher. John Wallace, c'était passionnant, conservateur en histoire économique au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Alain Savoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.